Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 21. De la prière du Christ. Pourquoi il convenait au Christ de prier? Il a prié pour lui-même et pour les autres. Comment ses prières ont toujours été exaucées? 1. Convenait-il au Christ de prier? En ces jours, dit saint Luc 6, 12, il se retira sur la montagne pour prier, et il y passa toute la nuit. Si le Christ n'avait eu que la seule volonté divine, assurément il n'aurait pas prié, car la volonté divine est efficace par elle-même, comme le marque cette parole, tout ce que le Seigneur a voulu, il l'a fait. Psaume 134, 6. Mais, comme sa volonté humaine ne pouvait pas réaliser par elle-même ce qu'elle désirait, elle avait besoin de l'assistance divine, et, sous ce rapport, il lui convenait de prier. Note. Il avait la toute-puissance en tant que Dieu, mais non pas comme homme. Toutefois, s'il a voulu prier, lui qui était Dieu et homme, ce n'était pas une preuve d'impuissance, mais une instruction qu'il nous donnait. Il montrait, en premier lieu, qu'il venait du Père, pour le peuple qui m'entoure, disait-il, j'ai prononcé ces paroles, afin que l'on croie que vous m'avez envoyé. Jean 11, 42. Il voulait ensuite nous inspirer, par ses exemples, la pratique de la prière. Fin de la note. 2. Convenait-il au Christ de prier par la partie sensitive de son âme? Qu'est-ce que prier par la partie sensitive de l'âme? Suppose-t-on qu'une telle prière est un acte des facultés sensitives elles-mêmes? La raison seule peut monter vers Dieu pour implorer son secours, les sens ne s'élèvent pas d'eux-mêmes au-dessus des choses matérielles. Veut-on parler d'une prière qui offre à Dieu les désirs et les émotions de l'appétit sensitif? Dans ce sens, le Christ a prié par la partie sensitive de son âme, car il en exprimait les impressions et les désirs, et cela pour nous donner diverses leçons. Il prouvait qu'il avait pris la nature humaine avec toutes ses propriétés natives. Il laissait voir qu'il nous est permis de désirer par affection naturelle des choses que Dieu ne veut pas. Il montrait que nous devons soumettre nos désirs et nos sentiments à la volonté divine. De là ces paroles, « Que ce calice passe loin de moi, mais que votre volonté se fasse et non la mienne. » Matthieu 26, 39. 3. Convenait-il au Christ de prier pour lui-même? Mon Père, glorifiez votre Fils. Jean 17, 1. Le Christ a prié pour lui-même, soit en exprimant les affections de sa sensibilité, par exemple, lorsqu'il demandait que le calice de sa passion fût éloigné de lui, soit en agissant sous l'impulsion d'une volonté délibérée. Comme quand il sollicitait la gloire de la résurrection par ses paroles, « Glorifiez votre Fils ». Une telle prière s'explique aisément aux yeux de la raison. Elle avait pour but de nous exciter nous-mêmes à prier. Elle nous révélait que le Père est le principe d'où le Verbe procède éternellement par sa nature divine, et dont il tenait tous les biens de sa nature humaine. Elle nous apprenait à remercier Dieu, des bienfaits que nous en avons reçus et à lui en demander de nouveau. Note. La glorification que le Christ sollicitait avait pour fin le salut des hommes, car, selon les enseignements de saint Paul, il est ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. Ses autres prières se rapportaient de la sorte à nous-mêmes. Fin de la note. 4. La prière du Christ fut-elle toujours exaucée? Le Christ, ayant prié avec de grands cris et des larmes, dit saint Paul, a été exaucé à cause de son respect pour son père. Hébreux 5, 7. Les prières doivent être considérées comme exaucées quand la volonté raisonnable ou absolue de celui qui les fait accomplit. Or le Christ, par sa volonté raisonnable, ne voulut jamais autre chose que ce que Dieu voulait. Toutes ses volontés absolues, même humaines, eurent ainsi leur accomplissement, à cause de leur conformité à la volonté divine. Par conséquent, sa prière fut toujours exaucée. Il en est de même des hommes dont la volonté est conforme à celle de Dieu. Leur prière est toujours exaucée, car Dieu, qui sonde les cœurs, sait ce que l'Esprit Saint désire en eux. Romains 8, 27. Note. Le Christ, dira-t-on, demanda que le calice de sa passion fût éloigné de lui, et sa prière ne fut point écoutée. En faisant cette demande, il voulait manifester au dehors le désir de sa volonté naturelle et les impressions de la sensibilité à laquelle il s'était assujetti. Sa volonté raisonnable consentait à ce qu'il ne fût pas exaucé. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.